Yo-Yo. 89.5. Du mardi sur 2 à 21h. Et aussi sur radiorageuse.net. En colère, nous sommes forts et fiers. Solidaires en colère. On se chauffe pour le jingle a cappella qui arrivera bientôt en 2023. Et bonsoir Saint-Étienne. Bonsoir. Il est 21h03. Et du coup, on n'arrive jamais à vraiment commencer à l'heure, même quand on devrait être en avance finalement. Parce qu'on ne s'autorise pas à couper les musiques, parce que ça nous fait plaisir de les entendre en entier. Exactement. En tout cas, vous êtes bien avec nous dans l'émission féministe comme un ouragan sur Radio Dio 89.5 pour cette heure et quart de folie en notre compagnie. Et vu qu'il faisait frisquet ces derniers temps, on a décidé de vous offrir un peu de chaleur dans vos slips, dans vos caleçons, dans vos culottes. Dans vos strings, dans vos tangas, dans vos... Rien. Et on a sollicité plein de copains, de copines, de copaines pour nous envoyer et vous retransmettre des cadeaux audio et porno. Et vu que on a été inondés sous les sons plus chauds les uns que les autres, on s'est dit qu'en plus, pour mettre la grosse ambiance, on allait faire un système de tirage au sort. Mais t'inquiétez pas, on va quand même jouer tout. Pardon, j'ai envie de le dire quand même, même si c'est contre le suspense. On va tout jouer, mais bon, dans quel ordre ça va être le pur hasard si on triche pas. Ouais, on avait des doutes si la technique allait pas tricher, que malgré le fait que le studio allait annoncer des chiffres, si la technique allait pas prendre la main et passer des sons qu'elle choisit elle-même. Mais on espère que la technique est anti-autoritaire et que et qu'elle respecte les règles. Et qu'elle respecte. Bien sûr. Et du coup, bah voilà, on va ouvrir notre premier cadeau finalement. Vas-y, dites-moi un chiffre. Attends, d'abord il faut qu'on mélange. Je prends la pochette rouge. Rouge en vernis brillant. Et avec un geste adroit du poignet. On va nous pas allons faire avoir tout le temps ça long comme ça. Notre... Hein. Bah, écoute, c'est l'intro. C'est le premier. Et c'est le numéro 9. Non, je dois compter parce que c'est pas écrit quand même. Ouais. Alors j'espère que la technique va pas faire ça. Alors, on va lancer et si je vois bien, en fait, c'est pas un truc qu'on nous a envoyé qui était fait là, mais vous les trouvez les sons aussi sur le SoundCloud parce que c'est attends, qui peut dire plus, toi par tympan exemple. Cucu. C'est tympan cucu, c'est éloge de la main. Main. Ce qui est avec un texte de Wendy Delorme. OK, alors on va s'écouter ça maintenant. 2 3 4 doigts recourbés en signe de viens par là. Tu formes un quinconce, la pulpe des doigts vers le plafond et tu pointes le bout du pouce. Tu vois, ça fait comme un museau de canard curieux qui se serait fourré là. Tu ajoutes du lubrifiant sur les dernières phalanges et le poignet. Le pouce, c'est ton cap de bonne espérance, le plus difficile à passer. Une fois qu'il y est, tu voyages sans encombre. Avance doucement et sans t'arrêter. Tu navigues à vue, mais laisse-moi croire que tu maîtrises la boussole affolée de mes vagues d'endorphines et la cartographie mouvante de ma géographie interne. N'hésite pas, tu sais où tu vas. Si tu ne sais pas, fais comme si tu ne sais pas, fais comme si. Si je peine et me barricade, marque une pause mais ne déserte pas. Laisse-moi négocier les termes de l'invasion et t'annexer par consentement mutuel. Après quelques secondes, tu sentiras faiblir la garde de mes muscles tendus et tu pourras gagner du terrain. engagé presque jusqu'au poignet. Imperturbable à mon remous de hanche, tu progresses entre les parois lisses, tu glisses et tu me prises pour m'immobiliser. Ton avant-bras sur ma cuisse, tu m'accouches à l'envers d'un dernier élan et tu butes. Au fond, du bout des doigts, c'est le moment de te replier à l'intérieur, sans hésitation, à l'intérieur, sans hésitation. En poing serré, ta main pressée de toutes parts, se modèle dans ma chair à convenance de mon plaisir. Tu me laisses te travailler, te pétrir de l'intérieur, tu te fais souple. Oublie que tu as des os, des phalanges et des tendons, tu épouses chaque courbe. Ton poing est rondeur, aucun droit ne fait angle à l'intérieur. Tu y es. Attends, n'attaque pas tout de suite. Accorde-toi le luxe d'une trêve d'immobilité. Regarde mes yeux se vitrer, mes paupières se fendre en meurtrière pour protéger mon cerveau, puisque c'est lui que tu atteins par le bas. Ne te laisse pas défaire par les regards brûlés que je te jette de là-haut. Une ligne rouge s'est tendue entre mes tempes et me brille le crâne. Mon souffle s'est raccourci. Les tendons de ma gorge sont tirés à se rompre. Je suis suspendue à toi. Chaque mouvement de ta main enclenchera une variation sur le thème de ma reddition. Ok. Attends, laisse-moi. Laisse-moi en suspens. Jusqu'à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À 10, tu bouges, imperceptiblement. Ton autre main à plat sur mon ventre, tu tends la peau pas trop, juste pour me voir bander. Tu y poses la langue, qui est ton cheval de Troie. C'est là que je m'ouvre complètement, sur toi, juste à temps pour réaliser que je me suis déjà rendue. Je vais gémir, vous soupirez. Tu vas me faire crier. Vous soupirez. Tu vas me faire crier. Mais pas encore. Tu es en force. À genoux devant moi, dans la position de la prière, tu communies dans ma chair et c'est parfait. Ne va pas plus loin. Ne va pas plus loin. Tu buterais sur le col de l'utérus et me ferais tordre en déplaisir. Ne sors pas ton poing. Tu écartellerais à nouveau l'entrée du vagin que tu viens de passer. Tu bouges en piston entre ces deux latitudes sans les dépasser. Si tu forces, je voudrais t'expulser. Viendra un moment où il faudra marteler, mais toujours entre ces deux points d'ancrage. Si je jouis, je voudrais peut-être te garder replié en moi un moment comme on berce un petit. Peut-être que je pousserai pour t'arroser. Mais ne sors ni trop tôt ni trop tard. Tu couperais court au jaillissement. Trop tôt, et je palpite ouverte devant toi. Je jouis sans toi à vide. Tu me ratais. Trop tard, tu me frustres de l'explosion liquide. Ton poignet bouché à l'entrée de l'urètre. Attends, parce que là, moi, j'ai du mal à savoir comment je termine. Suis-moi, mais en imposant ton rythme. Ok. Tu fais semblant de dominer. Ouais. Alors, dès que t'es pas confort, tu ralentis. Mm-hmm. Et au fur et à mesure que s'ouvre ma bouche pour donner de la voix, accélère. Mais on va réveiller les voisins. Enfin, après, c'est pas hyper grave, mais... Ne lâche pas. Je te tuerai. Ok. En cas de crampe dans le bras, aide-toi de l'autre. Ne perds pas prise. Ne t'avoue jamais vaincu. Ne me laisse pas gagner le bras de fer. J'y perdrai la jouissance. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. C'est toi qui décides. C'est moi qui décide. C'est toi qui décide. Moi qui décide. Mais c'est mieux si je ne le sais pas. Et on enchaîne avec un autre son que nous avons déjà pioché pour vous éviter le temps de la pioche, pour ne pas décrocher de cette ambiance de plus en plus chaude. On va s'écouter le numéro 7. Suivi de la musique numéro 6. On a vraiment une musique numéro 6. Allumette. Antonin Graine. Édition Pou. Collection Histoire PD. 2021. Au début, tu es un enfant. Les adultes te disent: tu pourrais inviter quelques copains pour ton anniversaire. Tu es étonné. Tu comprends que si on te propose d'en choisir quelques-uns seulement, c'est qu'ils doivent être vraiment nombreux, tes copains. Mais ils ne le sont pas. Ce que les adultes appellent en copain, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui t'aime. Sinon, à ton anniversaire, tu n'aurais pas d'invité du tout. Non, pour eux, un copain, c'est n'importe quelle personne que tu connais, ayant le même âge que toi. Alors oui, ça en fait un paquet. Ils sont tout jeunes, ces mômes. Ils peuvent encore compter leur âge sur les doigts de leurs deux mains. Ils se massent autour d'un gâteau délicieux, un gros machin au chocolat qui est exactement celui que tu préfères. C'est une fête en ton honneur, tout de même. Tu es vachement fier de le diviser toi-même en parts, avec le grand couteau, celui qui coupe bien. Tu t'appliques. Tu sors un peu la langue, pincée entre tes lèvres, tellement tu es concentré. À mesure que les morceaux sont servis, chacun se goinfre. Il y a même sûrement un petit con qui se sert deux fois, parce qu'aussitôt que tu as reposé ton grand couteau qui coupe, le plat est vide. Tu es déçu, ça avait l'air drôlement bon. Si ça ne l'était pas, les autres ne l'auraient pas boulotté aussi vite. Les autres, ils ne tiennent pas en place, il leur faut de l'activité tout de suite. Ton jardin est grand, il y a de l'herbe et puis des arbres. Deux arbres, ça peut faire des photos de foot, des poteaux de foot, si on veut. Ah oui? Tu n'avais jamais eu cette idée, puisque tu n'aimes pas le foot. Mais les copains, eux, ils en ont envie. Alors ils commencent à faire des équipes. Celui qui s'appelle Georges et celui qui s'appelle Ernest, chacun d'un côté de la pelouse, se partagent la quantité d'enfants présents devant eux. Ils les appellent un par un, à tour de rôle. Un pour Georges, qui est très grand et qui a un visage étrangement carré pour son âge, avec de cheveux en brosse, genre paillasson. Un pour Ernest, qui a des boucles de bébé sur le front, mais dont on n'a pas idée de se moquer parce qu'il est très grand aussi. Puis encore un pour Georges, et un autre pour Ernest. Et ainsi de suite. À la fin, c'est inévitable. Le nombre d'enfants est impair, alors tu dois faire l'arbitre. Pourtant, tu ne connais pas très bien les règles du foot. Et puis, souvent, les autres repèrent les fautes avant toi. C'est comme ça. Ensuite, tu es adolescent. Quelques années ont passé, mais je ne peux pas parler de tout. Je fais une ellipse pour gagner du temps. On n'est pas encore dans le vif du sujet. Georges a toujours sa petite gueule carrée, et désormais, elle ne détonne plus avec les autres parties du corps, car tout est à l'avenant. Les épaules surtout, carrées, avec des bras plantés dedans à angle droit, et des biscottos tout secs. Et puis, sur le ventre aussi, des petits carrés. Tu as vu dans les vestiaires, après le cours de sport, les abdos de Georges excessivement dessinés, limite vulgaire. Des carrés trop réguliers pour être jolis. Le charme et la géométrie, ça fait deux. Il n'est pas très beau, Georges. Tout maigre et tout carré. Et pourtant, il y a un truc chez lui qui te fait un drôle d'effet. La mandibule rectangulaire, sans doute. À la façon d'un super-héros. Très lisse, la mandibule. Il se rase, Georges, ça se voit, même si rien de très dru ne doit encore pousser sur cette peau-là. Le coin franc de cette mâchoire. Voilà, c'est à cause de ça que tu bandes un peu, quand Georges vient te parler de près. Le menton d'Ernest est toujours aussi rond. Et ses épaules, rondes. Et ses genoux et ses coudes, ronds, qui permettent à ce grand corps de fonctionner. Ses boucles sur la tête, toujours, qui lui tombent dans la nuque. Une sorte d'ombre sur ses joues et dans son cou. Et puis, de son col, quelques poils dépassants. Parce qu'il en a pas mal déjà sur la poitrine. Tu les as vus au vestiaire. Ils sont bouclés, évidemment, comme le reste. Toutes ces rondeurs, c'en est trop. Il n'est pas vraiment ce qu'on appelle magnifique, Ernest, comme garçon. Mais il a un genre d'air romantique, mélancolique et rieur à la fois. Nettement plus intelligent que Georges. Une fois, tu étais sur ton lit en train de t'emmerder, et sans savoir pourquoi, tu as commencé à imaginer Ernest. Que celui-ci te susurrait des poèmes à l'oreille, penché sur toi, très près. Que ses boucles te chatouillaient. Alors, tu as déboutonné ton pantalon, et tu as touché ta bite, parce qu'elle était dure. Tu l'as caressée d'une main, et l'autre main, tu l'as glissée sous ton pull, sous ton t-shirt, partout où c'était chaud. Après que tu as joui, tu t'es dit « n'importe quoi », parce qu'il n'est pas si terrible que ça, Ernest. Il est arrivé que tu t'emmerdes à nouveau, l'après-midi, dans ta chambre. Alors, pour changer, tu as pensé à la gueule anguleuse de Georges et à ses épaules costaudes, et à ses grandes pattes carrées qui enserreraient ton petit corps à toi. Tu t'y es pris comme ça. Tu tenais tes couilles bien au chaud dans une main, et l'autre, tu la faisais glisser doucement sur ta bite. Tu t'es dit, après coup, n'importe quoi. Parce que quand même, ce n'est pas sérieux. Se branler avec l'image de ce grand con dans la tête, et puis quoi encore? Georges et Ernest ne sont plus les grands qu'ils étaient. La croissance, ça va, ça vient. Ils font désormais la même taille que toi, qui les a rattrapés. En classe, tu ne peux pas les regarder, car tu es toujours assis au premier rang, et eux, plutôt dans le fond. Parce que tu trouves que les choses qui sont écrites au tableau sont intéressantes, alors tu tiens à les lire. Et si on est trop loin, on ne voit plus rien. Tant pis pour Georges et pour Ernest. Ils ne sont pas très branchés par ces trucs-là, de toute façon. À quoi passent-ils leurs heures de cours? Chacun de son côté regarde par la fenêtre ou au plafond. Peut-être qu'ils gardent une main dans une poche pour se tripoter un peu, en attendant la récré. Comment savoir? Et quand sonne la récré, ils jouent au foot. Jamais ils ne te prennent dans leur équipe. Tu as renoncé depuis longtemps. Tu ne fais même plus l'arbitre. Tu étais incapable de voir où partait le ballon. Alors, le plus souvent, tu restes seul à la récré. Tu marches dans la cour, regardant droit devant toi, pour faire semblant d'aller quelque part, d'avoir un but. Personne n'est dupe, mais on ne se moque pas de toi pour autant. On ne te parle jamais, de toute façon. Quoi que tu fasses, on s'en fout. Le ballon, tu te le prends dans la gueule un matin, à la récré. Parce que tu passes en plein milieu de l'endroit où les autres cons jouent au foot. Ils ont pitié de toi. Ensuite, quand ils te voient étalé par terre, avec la peau qui cuit tout rouge sur une moitié du visage, ils te disent « Bah alors, t'avais pas vu le ballon? Il arrivait pile en face de toi. Faut ouvrir les yeux. » Ils étaient grands ouverts pourtant tes yeux. Tu commences à te demander s'il n'y a pas un truc du côté de la vue. Et oui, il y a bien un truc. Tu es myope comme tout. Tu comprends soudain pourquoi les subtilités du jeu t'ont toujours échappé. Pourquoi les autres n'ont pas besoin, comme toi, d'être collés au tableau pour lire les consignes. C'était donc ça. Quelques jours plus tard, c'est lundi. Tu arrives au lycée avec des lunettes. Des lunettes énormes et rondes, avec une monture épaisse, bariolée de cercles de couleurs concentriques. Tu n'aurais pas pu choisir moins discret. Tu t'es dit, tant pis, j'assume. De toute façon, personne ne m'aime, alors qu'est-ce que ça peut leur foutre ? Tu ne quittes plus tes lunettes. Tu es un autre homme grâce à elles. Mieux, tu es un homme, tout court, et non plus une ombre de petit garçon dont il faut se moquer. C'est ainsi que les autres te voient enfin. L'homme à lunettes. Ouf. L'homme à lunettes. Tu as vite appris ces astuces qui deviennent des réflexes, qui permettent d'accomplir tous les gestes sans jamais retirer ta précieuse prothèse. Par exemple, comment maintenir ouvert le col d'un vêtement pendant que tu l'enfiles autour de ta tête pour ne pas agripper tes lunettes au passage. Dans le vestiaire, après le cours de sport, tu ôtes ton t-shirt. Tu n'as pourtant pas transpiré dedans. Tu n'as pourtant pas transpiré dedans, vu le peu d'efforts que tu as fourni, mais c'est une question de principe. Tu le retires donc, prenant garde de ne pas déstabiliser tes lunettes. Il ne reste plus qu'Ernest avec toi, car les autres sont partis. Lui non plus n'a pas dû mouiller beaucoup le maillot, mais il est lent comme garçon. Il s'attarde. Et tu t'amuses à discerner avec précision les dessins formés par les petits poils plantés sur cette poitrine, sur ce ventre. Ernest te regarde avec un air drôle. Puis il touche ta peau nue, puis l'élastique de ton caleçon. Il te dit « Montre-la moi ». Et pendant que tu t'exécutes, Ernest accomplit un mouvement gymnastique, tout en souplesse, pour s'accroupir entre tes jambes. Il avale d'une seule goulée, sans prévenir, sans caresse ni préambule, ta bite dure. Il agrippe tes fesses pour l'enfoncer plus loin dans sa gorge. C'est étonnant, tu te dis. Parce que, suite à ce gobage spectaculaire, Ernest s'arrête. Il ne fait plus rien. Il ne suce pas, il ne lèche pas. Il guide ton bassin pour t'expliquer sans parole ce qui l'attend. Alors toi qui n'es pas bête, tu comprends la règle du jeu. Tu attrapes la tête douce d'Ernest, les doigts enfouis dans ses boucles denses, et fais osciller ton bassin de façon à aller et venir dans la bouche d'Ernest, aller et venir, puis aller et venir encore. Tu n'oses pas forcer trop. Tu pourrais y aller plus fort sans doute, mais ce rythme lent te plaît. Les mains d'Ernest ont quitté tes fesses. Elles se promènent sur tes cuisses, sur tes hanches, sur tout ton ventre tendu vers le même mouvement. Il ne touche pas sa propre bite, Ernest. Tu as l'impression qu'il sourit. Évidemment pas avec la bouche tout emplie de ta bite, mais avec les yeux. Tu continues, c'est lui qui mène le jeu. Le plaisir monte assez vite, la fin est imminente, alors tu oses. Tu accélères, tu entres et tu sors de plus en plus vite. Tu t'enfonces un peu plus loin. Ça y est, ça vient, tu vas jaillir. Tu sors d'un coup et lâches la tête d'Ernest pour mieux accompagner avec tes mains ta jouissance. Tu vois avec précision, au travers de tes précieuses lunettes, les gouttes blanches s'accrochaient aux poils bouclés de la poitrine d'Ernest. Ernest, lui, affiche un air béat, quasi extatique, et s'occupe enfin de sa propre bite qui n'en pouvait plus d'attendre. En 10 secondes, elle explose à son tour. Tu remontes ton caleçon, passes ton jean, tu enfiles un t-shirt propre, en ouvrant le col bien rond avec tes deux mains, comme tu sais le faire, pour que tes lunettes ne glissent pas au passage. What? What is it? What's wrong, baby? There's something going on. I know it. I'm your mother. Tell me what it is. But you gotta speed it up with shit. I'm late for Bible study. What is it, baby? What? Mama, come, doll, take a seat. There's someone you know that you've got to meet. So brace yourself for the big reveal. He's about my height when he's not in heels. Some boys play basketball. He played house with ratchet dolls. It's not Santa Claus, it's time for applause. It's coming out the closet, mama. I like boys, I like pecs. Like them arms when they flex. Like that print in them sweats. Tell them girls, thank you next. I like when he texts me, texty pics of them. Like them abs when there's 6 of them. Tell them girls, I'm sorry. I like boys, mama. Boys like me. I like boys who like boys. Mama. I like boys who like boys. Work. I like boys who like boys. Mama. I like boys and boys like me. Yeah. Boys. I like when they text me sexy pics of them, like them abs. When there's six of them, tell them girls I'm sorry. I like boys, mama, boys like me. I like boys who like boys, mama. I like boys who like boys, work. I like boys who like boys, mama. I like boys and boys like me. Yeah, boys like me. They do. Boys like me. Boys like motherfucker, boys like me. Style like they name Harry. Chocolate like Tyrese, I pick 'em up at Berries, Crunch Planet Fitness, shirt off in the lawn, sizzling like grease. By day his name Gaston, by night I call him Beast. Bitch, B to the O to the Y to the S. Boys will be boys, and with boys I'm obsessed. Boys in the gym clothes, boys in a dress. And if boys are a crime, then I'm under arrest. 'Cause I've been boy crazy since the Boy Scouts. Fuck the closets, let the boys out. Don't be a camel when you are a llama, period. No comma, bring on all the drama. Mama, I like boys. I like pecs, like them arms when they flex. Like that print in them sweats. Tell them girls, thank you next. I like when they text me sexy pics of them, like them abs when there's six of them. Tell them girls, I'm sorry. I like boys, mama, boys like me. I like boys who like boys. I like boys who like boys. Work. I like boys who like boys. Mama, yeah. I like boys and boys like me. Sorry. Boys like me. Not sorry. Boys like me. Boys like me. Motherfucker, boys like me. House Party Part 1 is available now to download and stream online. And you're officially invited to the House Party World Tour. Get your tickets and RSVP at ToddrickHall.com. See you there, bitch. Vous avez donc écouté deux audio-pornes envoyés par nos camarades, qu'on remercie beaucoup, suivi de la chanson I Like Boys de Todrick Hall. Et on va continuer le tirage au sort pour les écouter. On va en tirer deux pour aller plus vite. Mmh. On tire le numéro 10 et le numéro 15. Ouh. Aïe, aïe, aïe, le numéro 10 et le numéro 15. Je crois que ça fait partie de mes préférés. Oh. Vêtu de mon immense chemise de nuit de flanelle, je me suis agenouillé devant le petit poêle à bois en essayant de comprendre pourquoi le feu était si chétif. Je me sentais énorme et balourd dans cette position, consciente de ma croupe et de mes seins ballants, mais la nuit froide exigeait d'attiser le feu pour qu'il crépite plus vite. Ma jeune amante, au corps petit et ferme, était assise sur le canapé et me regardait. Je n'aimais pas imaginer le spectacle que je pensais lui donner. Je n'aimais pas le volume de mon cul, le poids de mon corps sur mes genoux. Et alors que je m'efforçais d'accepter mon manque d'attrait, elle a dit d'une voix basse et assurée. Tu me donnes tellement envie de te baiser dans cette position. Je me suis figé, prise sur le fait, dans cet instant de haine de moi-même, par l'évidence de son désir. Je n'ai plus bougé d'un pouce. À nouveau impressionné par les promesses de la vie. Je savais qu'elle était en train de me rejoindre. J'ai senti qu'elle était debout derrière moi. J'ai senti ses mains ajuster ma chemise de nuit autour des courbes de mon corps. J'ai entendu son souffle s'accélérer. J'étais toujours immobile. Elle a commencé à s'impatienter et à soulever ma chemise de nuit en rassemblant ses plis sur son bras comme un pêcheur avec son filet. Et soudain, faisant fi de mes craintes, elle m'a pénétré. Le feu s'est embrasé, ainsi que mon espoir, alors que j'abandonnais mon fardeau et que je chevauchais sa main avec toute la grâce que l'amour m'avait jamais donnée. Spetses. Que s'est-il passé à Spetses? Il s'est passé l'hôtel et la chambre, dans l'hôtel et dans la chambre. Et puis, à la faveur des trois corps rapprochés, l'un, le mien avec le tien, est devenu plus solide, plus attirant, jusqu'à cristalliser des propos et des gestes destinés à un autre corps. Changement d'aiguillage, prompt. erreur de parallaxe. Absurdité des accroches narcissiques et personnelles de l'amour. La preuve que c'est toujours la même scénette qui se joue et se rejoue à guichet fermé sur nous, avec les mêmes termes, les mêmes questions. La même lueur véridique dans le regard interrogateur. Sincèrement, tu m'interloques. De la même façon toujours, je t'appelle quand tu es si proche. De la même façon toujours, je t'ordonne instantanément de mettre ta langue dans mon oreille en y formant les mots dont je ne connais pas le sens définitif mais que j'attendrai depuis toujours. De la même façon toujours, entre tes bras, je laisse mon corps s'amollir et je rentre en moi-même. Je suis embarquée et que m'importe de savoir quelle est la main qui me procure les roulis intenses. Qu'importe qui, qu'importe quoi, pourvu qu'on ait la foi et notre loi. Je suis mon désir et je deviens oublieux de l'un des corps. Je suis quand même, ma propre versatilité me terrifie-t-elle ? Non, pas encore. Il s'est rien passé à Spetses. La mer, elle-même, évite de lécher les rivages de cette île, depuis toujours. L'hôtel Poséidon n'existe plus que dans les rêves attardés et empruntés d'une décadence de bazar. Веревки связал, наказывать и наказанным быть. Стальной инвентарь нам все поможет забыть. И не говори, что хочешь домой. И не говори, когда будет больно. Мне шутка не мил, без латекса мир, без страха глаза. Понять это сложно, нам просто все можно. Любить это больно, ты будешь довольна. И любишь покрепче, поплачь, станет легче. Кричи как угодно, сейчас это модно. Иди один, наш садин. Так долго и сладко ты будешь страдать. На мне опустать силы воздействия, и нет ничего ужаснее бездействия. Господство мой труд, а твой подчинение. Сигналы настрою на отключение. Мы обогатим язык междометиями. Порочное тело карать будем плетью, и все механизмы хотят завестись. Терпи, рыдай, страдай. Ходи с ума, но подчинись. Понять это сложно, нам просто все можно. Любить это больно, ты будешь довольна. Не любишь покрепче, поплачь, станет легче. Кричи как угодно, сейчас это модно. Иди один, наш садист. We'll be right back.

Tirer bien. Et on a écouté et on écoute encore The Pink Noise Too Hot. Et de la tirer juste. La suite sera le numéro 14. Puis du putain, numéro c'est long à compter. 11. Et la musique sera la numéro 3. Oh. L'odeur de son sexe monte entre mes mains. En quelques secondes, ma bouche s'assèche. Je cherche les mots, ce sont aussi les miens, mais je ne les sens pas encore. C'est de dos qu'elle m'a prise, c'est en la voyant de dos que je la quitte. C'est de dos que rarement encore, quelquefois, elle esquisse le geste que je ne vois pas. Quand X est de dos, quand je suis de dos je lui fais face le mieux. Sur son dos je voudrais m'étendre, de dos je lui demande de me mettre trois doigts. Ce qui se présente, je prends, j'écoute et je m'obéis. Je prends, je délaisse la main qui me plaît. Dans mon sexe, je la prends. Le regard qu'il me faut quand je jouis, je le fixe. Le muscle de la cuisse qui me fait grincer des dents, je le mords, je prends. Le regard oblique, la remontrance, la souffrance, je délaisse. L'inadvertance, je cultive. L'impudence me délivre pour quelques jours encore. Par contre, souvent, et quand elle me refusait ses lèvres, sa langue intérieure, sa salive, cette façon étonnamment délicate qui lui prenait de passer sa langue sur et dans ma bouche, par contre. Souvent, quand tu me refusais, je précipitais ma main sur ta bouche comme le bâillon qui précède les mauvaises actions. Mais c'est sur tes yeux que j'aurais dû coller le plat de ma main. C'est ton regard qu'il fallait claquer, lui empoignant les sourcils jusqu'à l'enjoindre de me regarder, en même temps que je te regardais. Et qu'elle me faisait ce qu'elle me faisait. Lesbiana, maricona tortillera, arepera, de mi corazón a tu lista de reproducción, o sea sultana, alfa gal. Hazlo fuerte, de dótrame sin piedad, hazlo fuerte, hasta que no pueda más. Hazlo fuerte, de dótrame sin piedad, hazlo fuerte, dame más. Me buscas, me llamas, te amarro a mi cama, me excita tu mirada, tú gruñes, no paras, me besas la cara, así, así calada, cosita rica, me tienes mojada. Me como tus tetas, tú gimes, me dejas, no aguantas más, si mi lengua fleta te irrita la cara. Lesbiana feminista pa' volarte la cabeza. Hazlo fuerte, dedótrame sin piedad. Hazlo fuerte, hasta que no pueda más. Hazlo fuerte, dedótrame sin piedad. Hazlo fuerte, dame más. Bulbéame, pezoneame, dedótrame. Bulbéame, pezoneame, dedótrame, lengüétrame. Bulbéame, pezoneame, dedótrame, lengüétrame. Dame vueltas, déjame bien crujiente, te voy a dejarte loca de la mente. Olvídate de toda anticoncepción, este sexo es protegido, pero no tu corazón. corazón. Dame vuelta, déjame bien crujiente, que voy a dejarte loca de la mente. Olvídate de toda anticoncepción, que este sexo es protegido, pero no tu corazón. Lick my pussy, suck my dick, come on baby, be a feminist. Lick my pussy, suck my dick, come on baby, be a feminist. Sexo sin guante, roce sin alusa. Sexo sin guante, roce sin alusa. Sexo sin guante, roce sin alusa. Si te gustan las camionas, no busques excusas. Sexo sin guante, roce sin alusa. Sexo sin guante, roce sin alusa. Sexo sin guante, roce sin alusa. Si te gustan las camionas, no busques excusa. La alusa para la cocina, chicas. Agua. C'était Torda Golosa Dedodtrame. Et on va s'enchaîner avec... Enchaîne-nous. Oui, je vais vous enchaîner avec les numéros. Attendez, oh, le 69 suivi du... 1312. Et du 1312. On s'écoute ces deux merveilleux petits sons. Salut comme un ouragan. Bon, je m'y prends un peu au dernier moment parce que je savais pas très bien ce que j'avais envie de partager pour cette émission spéciale audio porno. Et puis il s'avère que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres des nouvelles écrites par une personne de mon entourage et c'est une petite édition qui est, ma foi, très jolie. Ça s'appelle 300 mots environ, nouvelles érotiques et queer. Il y a pas mal de travail qui est fait sur la couverture avec une image dans les bleutés rouges. Et tout ça est tapé à la machine. Derrière, on peut lire que c'est écrit par Hel Lahag en 2022. Et on peut aussi lire bien-être, pause-déj, team building, benchmark, creative thinking. Je vais donc vous lire une de ces nouvelles érotiques que j'ai reçues dans ma boîte aux lettres. L'après-midi s'étire, lente, grasse, un peu sale. Les résidus d'alcool irriguent encore ton système sanguin. La bouche pâteuse. Les sens engourdis. Ton crâne un peu trop serré, un peu trop vif, un peu trop froid, chaud, tout à la fois. Le fond de la gorge acide à la limite de la nausée. Tu regardes l'autre sur le canapé. Tu lui as permis de rester pour gratter ces petits moments de dimanche où l'on parvient à oublier le lundi rampant. Tu ne veux pas, en gueule de bois, te retrouver face à ces dimanches comme une longue préquelle du début de semaine. Ses mains sont sur tes chevilles depuis un moment. Machinale, caresse, malléole, tendon, doigt de pied, os. Éclairé par l'écran, ton bras se tend, contourne doucement son coude, tire sur le tissu de son jogging avec tendresse. Échange verbal, essentiel, enthousiaste, complice. Geste tranquille. Sa bouche sur ta nuque, ta main sur sa hanche, presse la peau. Le gras, le muscle, entre ses cuisses. Tu pétris ses fesses comme une pâte. Pas le trop ferme d'une pâte brisée ni la friable de la pâte sablée, mais plutôt la douceur chaude d'une pâte à brioche qui soupire et supplie. Tu attends que le temps se raidisse, tendu, impossible, appréhension désespérée. Quand tu attrapes le flacon, tout redémarre. Le temps s'écoule avec le lubrifiant dans ta paume. Les doigts gras, mouillés, dessinent sa raie, guidés, s'enfoncent. Son corps bouge, les hanches tendues vers le haut, redescendent, erratiques, sans rythme. Avec émerveillement, tu regardes ce corps qui se baise avec ta main, qui s'encule enthousiaste, tout tendu vers son plaisir. Tes yeux s'écarquillent, ta bouche s'ouvre sur tes dents, ta respiration ne ressemble plus à rien. C'est ça que tu veux, c'est ça. L'avoir entre tes bras, un dimanche après-midi post-cuite, plein d'odeurs de lit. C'est ça que tu veux. C'est ça, sentir un corps jouir sous tes doigts. C'est ça. Je viens de vous lire 300 mots environ de Hel Lahag, sorti en 2022. À bientôt. Ce soir, c'est Noël. Dans les préparatifs, il y avait choisir une lumière douce, une playlist tranquille, allumer quelques bougies, trouver des jolies chaussettes pour décorer. Moi, je suis quelqu'un d'appliqué. J'ai tout bien fait. La musique, la lumière, j'ai allumé toutes les bougies, celle du grand bougeoir, celle qui est vert sombre des grandes occasions, et celle devant le miroir. J'ai fait une ribambelle de chaussettes, et j'ai choisi ma paire préférée, celle de sport à mi-mollet. D'ailleurs, je ne porte que ça. Alors je sens la chaleur des bougies sur ma peau. Ça a déjà rempli la chambre d'une tiédeur dansante. Étalé sur le lit, il y a cordes, ciseaux, vibro vert, gotte bleue. Quand j'attrape une corde, je plane direct. C'est toujours comme ça. Dès le premier frôlement sur la peau, dès la première friction, la première tension, je plane. J'aime les cordes de dedans, j'aime les cordes de dehors, tirées, bloquées, contrôlées, un peu plus serrées à chaque passage. Une prise de contrôle progressive au fur et à mesure que le nouage se construit. Alors m'attacher moi-même, c'est un peu le truc ultime. C'est avoir tous les bords de la jouissance, tous les côtés du plaisir. C'est avoir la crémière, mais aussi le crémier, leur sourire, mais aussi leur cul, leur crème, leur jus et leur rire par-dessus, à tous les deux. Dans la chambre tiède, je m'attache. Je commence autour de ma taille, deux tours de cordes de chanvre qui creusent dans les hanches. À partir de là, je tire les cordes entre mes cuisses pour passer dessous chaque fesse, remonter en les soulignant. Ça écarte les cuisses, écarte les fesses, tire, creuse dans la peau, ça frotte, la brûlure de la corde qui file, je refais un passage vite vite juste pour accentuer la brûlure. J'ai fait un passage de corde de chaque côté entre les cuisses, je tends, attache devant pour les forcer à s'ouvrir, exposer et faire pointer mon sexe tendu. Cuisse, hanche, sexe, fesses, tout est maintenant serré dans ce harnais. Sur l'avant, je coince le vibro dans les cordes. Je resserre un peu pour sentir les cordes mordre dans les cuisses, puis je verrouille vaguement sur la hanche. À partir de là, ça se floute, s'accélère. Dos tourné au miroir, je me mets à genoux au-dessus du gode ventousé au parquet, me prendre sur le gode. Mes rotules qui crissent sur le plancher, les genoux douloureux plantent des pieds crampés. J'en ai rien à foutre que de m'empaler sur le gode. Pas tout à fait assez lubrifié, je le sens frotter au fond de moi. Plaisir lourd qui irradie dans mon cul, y allume un feu chaud. Je me retourne et je regarde mon cul dans le miroir. Deux globes qui descendent sur le gode et l'y enfouissent. La chaleur enfle, remonte des reins le long du dos et mord la nuque. Je fais une photo du miroir et de la vue qui s'y reflète. Je garde le gode en moi tout en envoyant l'image aux copains qui l'attendent depuis leur réveillon. Je les imagine consulter leur téléphone discrètement et ouvrir la photo à table. Sur leur écran, mon cul planqué sous la nappe de fête. La chaleur grimpe et grignote les joues. Moi je ne jouis pas, parce que je ne joue jamais dans cette position-là, alors quand la chaleur atteint mon front, je me relève, j'arrache le gode au plancher. Sur le lit, j'attrape une nouvelle corde, sur le dos, genou plié, cheville bloquée contre la cuisse. Depuis le dernier nœud de corde sur le vibro, je tends la corde vers mon gros orteil gauche par-dessus la chaussette blanche, j'attache la cheville à la cuisse et je me tends au plus fort possible contre les cordes qui me tiennent et ne bougent pas. Tendu, tenu, je jouis, presque, pas loin, vraiment pas loin, ça m'échappe à peine. La chaleur monte le long des joues, atteint les oreilles, menace de déborder. Je reçois une première réponse qui dit « Ce cul, point d'exclamation, x5, emoji pêche ». Je défais lentement un premier nœud, ça vibre sur mon sexe. La deuxième réponse est un très sobre émoji, salive. Je fais sauter un deuxième nœud, fourmillement d'étoiles dans ma cheville quand la circulation y revient. Troisième réponse. Je vais devoir partir me branler entre le fromage et la bûche. J'arrache un troisième nœud à la hâte. Je tends la jambe au milieu de cordes emmêlées et la chaleur pulse enfin de mon sexe à mon cul jusqu'à mes tempes. Au même rythme que le sang qui circule en petites échardes brûlantes filantes dans mes orteils. Baby, adrenaline just to make my heart beat. I feel the head of weight through my veins with that drink. Tell him you bitch foreign, like frames and you whip. Bitch, me I don't scratch, scratch. I pop a dot beat, poo poo that shit. Bitch, don't feed my hunger. I'm a Scorpio from November. Got a lot of shit like vendor. I put Fendi on her hand. Wow, it's me and you for beaucoup bands. You know me, I'm beaucoup. gang, I don't fuck with no foufoulin. In her head like juju, avec son cœur fait joujou. So hurt my heart when boom boom pussy pink and fat like boom. Why? It's me and you for beaucoup pins. You know me, I'm beaucoup gang, I don't fuck with no foufoulin. Me and you for juju pins. I don't fuck with no foufoulin. I don't fuck with no foufoulin. Ok. Là, ça fait combien? Une 40? Ouais. Je crois qu'on avait à peu près laissé. J'ai dur genre 2 minutes comme ça, max, tu vois. Mais après, on reprend les. Me and you for both of bands. I don't fuck with no foufoulin. In her head like juju. I don't fuck with no foufoulin. Et il nous reste à peu près 75 bouts de papier, mais plus que 2 sons à passer. On pense qu'il y a eu un petit micmac dans le tirage au sort. C'est encore la technique qui a triché. Non, j'ai pas triché. Hein. Mais là, on va s'enchaîner avec les 2 derniers sons, puis une zik, puis ça sera le moment de se dire au revoir. C'est le numéro 5 euros qui est sorti. Je t'explique l'idée. On est chez toi. Je suis assis dans ton canapé. J'ai mis mes docks sur mes chaussettes de sport, jambes nues, un boxeur par-dessus lequel je porte bite et harnais. Toi, tu as ton Marcel noir, tu sais, celui qui montre bien le creux dans le muscle de ton épaule derrière quand tu tends la main comme ça, là, ça sert quelque chose au fond de mon ventre. T'as rien d'autre que ce Marcel. Je veux tes fesses nues, et c'est important pour après. Je m'assieds. Je désigne mes chaussures et je te dis que c'est maintenant pour les cirer. On va pas y passer la journée, tu vois, c'est pour ça que j'ai carté les docks. Alors tu t'installes, tu déballes le nécessaire, le cirage, la brosse, le chiffon, tu t'agenouilles. À peine installé, je te demande un verre. J'ai pas vraiment soif, c'est juste pour te faire relever et te le reprocher. Je veux que tu cires mes pompes, et que tu t'appliques. Je te le dis quand tu reviens, je veux que tu fasses ça bien. J'aime comment tu fais ça bien. Je te vois penché sur ma chaussure et je regarde ta nuque que j'ai déjà envie de mordre. Je me penche pour la caresser, l'effleurer des lèvres. J'en profite pour te chuchoter de ne pas faire de tâches. Peut-être que tu portes un mort que je t'ai mis avant. Je joue avec doucement. J'ai envie de lécher la salive à même ta bouche, d'y mettre mes doigts. Toi, t'aimerais ça? Ne bave pas sur les docks. Tu penses bien que tu risquerais la punition. Je me relève. Je te regarde faire. Évidemment, j'ai envie de te gêner, bouger. Petit coup du bout du pied, juste pour te faire répéter. Le mieux, ce serait une trace de cirage sur les chaussettes blanches, indélébile et impardonnable. À partir de là, la suite dépend encore de toi, de ton application, du résultat et de ton envie de faire bien. Il existe encore une petite possibilité pour que je décide que ton travail mérite récompense. Que je décide de lécher ton corps, de caresser tes lèvres et te baiser de ma bite. Mais il est plus probable que je trouve matière à redire. Et j'ai confiance dans le sale gosse que tu es pour me donner de quoi te punir. En fait, j'espère. Parce qu'à ce moment-là, je ne pense plus qu'à ton cul. À te faire relever depuis mes pieds pour t'allonger sur mes genoux, avec ton sexe collé à ma bite pour que tu la sentes, sans la voir, et ton cul offert à ma main. Je ne te le dis pas, mais je vénère tes fesses. Je rêve de pouvoir les mettre entières dans ma bouche, les mâcher, les avaler. Faute de ça, je les frappe et je les mords. Bien sûr, tu te tords un peu, tu gémis un peu, je mordille et je claque. Lorsque le rouge de ton cul devient piqueté de violet, je prends la salive à même ta bouche pour en enduire ta peau rougie. Bien sûr, mes doigts glissent vers ton sexe. Bien sûr, mes claques dérapent entre tes cuisses. Bien sûr. Bien sûr, ma salive s'y mélange à la tienne. Bien sûr, tes cris étouffés. Bien sûr. Tu te tends sur mes genoux, sous mes doigts. Une claque encore, une glissade encore. Je sens ton sexe trempé appeler mes doigts. Je guette en toi ce point entre plaisir et douleur. Je t'écoute basculer sur le point de jouir ou bien de pleurer. J'ai oublié les chaussures et le cirage et la punition. Est-ce que tu sais à quel point je m'en fous de ces pompes cirées? Je n'existe plus que dans ton souffle suspendu, sur la peau brûlante et humide de tes fesses. Et on tient ensemble cet équilibre-là, tendu, tendu au bord de ton orgasme. On l'étire seconde après seconde pour ne jamais finir, pour ne plus jamais exister ailleurs que sur tes fesses. In life, we hide the parts of ourselves we don't want the world to see. We lock them away. We tell them no, we banish them, but here, we don't. Welcome to Montero. I caught it bad just today, you hit me with a call to your place. Ain't been out in a while anyway, was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough to fuck with me tonight. Looking at the table, all I see is bleeding white. Baby, you living a life, but nigga, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not fazed, only you to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want, call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want, call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Like, every time that I speak, a diamond, a nine, it was mine every week. What a time and incline, God was shining on me. Now I can't leave, and now I'm making hella Italy. Never want the niggas that's in my league. I wanna fuck the ones I envy. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. I'm not faced, only you to sin. If you've been in your garden, you know that you can. Call me when you want. Call me when you need. Call me in the morning, I'll be on the way. Call me when you want. Call me when you need. Call me out by your name, I'll be on the way. Très sexy. Alors, c'était Lina Six Montero. Call Me By Your Name. Et on arrive sur la fin de cette émission avec, bon, 20 minutes de retard. En tout cas, c'était un plaisir et vraiment merci, merci beaucoup à tous les camarades qui nous ont envoyé ces sons vraiment hyper bons. On a pris beaucoup de plaisir à les écouter et on espère que tous les auditeurices qui ont partagé ça avec nous aussi. Et il est temps de se dire au revoir et bonne branlette. Et on se dit à dans 15 jours pour peut-être un direct, mais je pense pas, peut-être une rediff, ou à dans un mois, en vrai. Voilà, et avec une dernière chanson de Crossly Shoes. Oh, bondage up. Oh, elle est super pour terminer l'émission, c'est super. Allez, gros bisous. Some people think little girls should be seen and not heard, but I think... Oh, bondage up yours! One, two, three, four!